Section numéro 61 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270. Publié par Ernest Lavisse et Alfred Rambaud. Les royaumes ibériques, du XIe à la fin du XIIIe siècle. Deuxième partie, la conquête, Reconquista, de l'Espagne. Par Jean-Hippolyte Mariéjol. L'évolution des royaumes chrétiens du XIe au XIIIe siècle pouvait être étudiée à part. Tous ces États, sauf le Portugal et l'Aragon, étaient constitués en 1030. Il faut voir maintenant comment ils s'agrandirent aux dépens des infidèles. Premier progrès des chrétiens. Dans le premier élan de l'invasion musulmane, quelques vallées des Pyrénées et des Asturies avaient seules conservé leur indépendance. Mais à l'est et à l'ouest de la grande chaîne qui sépare la France de l'Espagne, comme à l'est et à l'ouest des monts Cantabres, les armées infidèles débordèrent jusqu'à la mer. Les cols de la Navarre ainsi que ceux de la Catalogne servirent de passage aux soldats qui vainquirent Eudes d'Aquitaine, mais vinrent échouer en 732, contre les Francs de Charles Martel. En Galice, il n'y avait pas un village qui n'eût été conquis. Même quand Alphonse Ier, 739-756, eut réuni son duché de Cantabrie au royaume des Asturies, il n'avait pas encore des forces suffisantes pour prendre l'offensive. Les chrétiens devaient bien plus compter sur les divisions de leurs adversaires que sur leurs propres ressources. Au milieu du 8e siècle, la lutte entre les conquérants, arabes et berbères, leur permit de faire le premier pas en avant. Les berbères, poursuivis par la haine de la race rivale, quittèrent en masse les plateaux et les plaines du nord où ils étaient établis. Les Galiciens se révoltèrent et massacrèrent ou chassèrent le reste des envahisseurs, 751. Ceux-ci ne s'arrêtèrent que sur le Mondego et le Tage, mais, dans leur retraite, ils démantelèrent partout les forteresses qu'ils étaient obligés d'abandonner. Alphonse, devenu maître sans coup férir d'une immense étendue de pays, n'avait pas les moyens de le garder et de le défendre. Il en transplanta les habitants et se contenta d'occuper la Galice, la Liébana, au sud de la province de Santander, la vieille Castille et peut-être la ville de León. Ce facile succès n'eut pas de lendemain. Autant ce pas avait été rapide, autant les progrès postérieurs furent lents. Il fallut 2 siècles pour revenir jusqu'au Douro et s'y fixer à demeure. C'est l'époque brillante et prospère du califat. Plusieurs fois, les musulmans pénétrèrent dans les vallées des Asturies. Souvent aussi, leurs armées furent accablées dans les défilés des montagnes. Les chrétiens prenaient pied à l'entrée des plaines, à León, à Astorga, à Tuy, à Zamora. Les Francs fondaient la marche d'Espagne. Toute la ligne des montagnes du Nord, du Cap Creux au Cap Ortega, échappait au pouvoir des califes. C'était une sérieuse menace pour l'avenir. Le Hadjib Almanzor, qui régnait sous le nom du faible Hicham II, avait conscience du danger. Il voua sa vie et mit sa gloire à achever la conquête de l'Espagne. Pendant son long gouvernement, il porta tous les ans la guerre des frontières de la Galice aux frontières de la Catalogne. Il fit tomber devant ses armes victorieuses les forteresses que les chrétiens avaient élevées dans le bassin du Douro. Il entra dans León, la capitale des Asturies, dans Barcelone, le boulevard de la Marche Franque. La Galice, qui depuis le milieu du 8e siècle n'avait pas vu d'envahisseurs, fut ravagée à son tour. Comme suprême humiliation, l'infidèle prit et brûla Saint-Jacques de Compostelle, qui était le sanctuaire le plus vénéré de l'Espagne, une sorte de capitale religieuse et nationale. Jusqu'à sa mort, survenue en 1002, Almanzor ne connut que le succès. La défaite de Calatañazor fut une invention de la vanité espagnole. Dans ce suprême effort, les musulmans avaient usé leur énergie. Si les chrétiens avaient été ramenés sur leur première position, ils recommencèrent, après la mort du conquérant, une marche en avant. Cette fois, ne s'arrêta plus. L'empire fondé par les Omeyyades est en pleine dissolution. Le dernier représentant de cette illustre famille descend du trône en 1031. Les Valis, Wallis, se déclarent indépendants et fondent des royaumes à Tolède, à Séville, à Cordoue, à Saragosse, à Badajoz. Ce sont là les cinq émirats les plus puissants. Mais à côté d'eux, il se forme une foule de petits états, presque tous bornés au territoire d'une ville. Cet éparpillement est une cause d'irrémédiable faiblesse. Et, pour tenir tête aux chrétiens, ces maîtres divisés de l'Espagne musulmane devront recourir sans cesse aux dynasties africaines. La mort d'Almanzor clôt brillamment l'histoire autonome des Arabes d'Espagne. Conquête du bassin du Douro, Ferdinand Ier. Ferdinand Ier, roi de Castille et Léon, inaugura l'ère des conquêtes définitives. Ses premières expéditions furent dirigées vers l'ouest. Il pénétra en Portugal par Almeida et vint mettre le siège devant Viseu. La ville était défendue par un corps d'archers dont les flèches redoutables perçaient cuirasses et boucliers. Leur adresse ne put sauver la place. L'Amego ne fut pas mieux protégé par ses hautes murailles. La prise de Coimbra couronna cette suite de succès. Tout le pays du Douro au Mondego était soumis. Ferdinand tourna alors ses armes vers l'est. Le château de Gormaz, sur le Douro, qui avait été pris et perdu tant de fois par les Castillans, tomba pour toujours entre ses mains. Il marcha ensuite contre Berlanga, que les habitants valides abandonnèrent à son approche. Il détruisit partout les tours ou vigies, atalayas, que les Arabes avaient multipliées sur cette frontière pour surveiller les mouvements de l'ennemi. La limite de Castille fut portée à la Somosierra. Le vainqueur ne tarda pas à franchir les montagnes et parut sur les bords du Massanares. Il dévasta les champs, passa les habitants au fil de l'épée et distribua à ses soldats un immense butin. Le fer et le feu à la main, les chrétiens arrivèrent devant Alcala de Benares, qui appela à son secours son souverain, Mamoun, l'émir de Tolède. Mamoun, au lieu de combattre, vint au camp acheter la paix. Sa querelle avec Motamid, émir de Séville, le préoccupait plus que les progrès des chrétiens. Il poussa Ferdinand à envahir les états de son rival. Celui-ci, incapable de lutter, offrit de payer tribut. La demande, accompagnée de riches présents, fut accueillie. Le pieux roi de Castille exigea aussi le corps de Sainte Justa, qui avait souffert le martyr sous Dioclétien. À défaut de Sainte Justa introuvable, Alvitus, évêque de Léon, découvrit à Séville la dépouille mortelle de Saint Isidore, le plus illustre et le plus savant des pères de l'Église espagnole. Avila restitua aussi les restes de Saint Vincent. Toutes ces reliques allaient enchérir le trésor spirituel des villes du Nord et ne contribuaient pas peu à y entretenir l'esprit de fanatisme et le goût de la croisade. Une dernière expédition, entreprise de concert avec le fidèle Mamoun, mena Ferdinand jusqu'aux portes de Valence. À sa mort, presque tout le bassin du Douro était en son pouvoir. Les courses qu'il avait faites en Andalousie avaient accumulé les ruines sans laisser entre ses mains un pouce de terrain. Cependant, la terreur qu'inspiraient ses armes avait étendu son prestige bien au-delà des frontières de son royaume. S'il est excessif de parler de sa suzeraineté sur les émirs de Badajoz, de Tolède et de Séville, il est certain que sa puissance leur imposait un certain degré de soumission. Alphonse VI, prise de Tolède, 1085. Il est vrai que ce genre de domination était tout personnel. Les discordes qui éclatèrent entre ses fils compromirent son œuvre. Heureusement, après 7 années de troubles, Alphonse VI, 1073-1109, réunit encore sur sa tête les couronnes de Léon et de Castille, et, marchant sur les traces de son père, fit faire à la conquête un pas de géant. Les chroniques racontent que ce prince, pour échapper à la haine de son frère, Sanché, avait cherché asile auprès de l'émir de Tolède. Il y reçut la plus franche et la plus généreuse hospitalité. Un jour qu'il se promenait avec son hôte dans les jardins du château de Brioc, aujourd'hui Brihuega, il fut pris de fatigue, se coucha à l'ombre d'un arbre, ferma les yeux et parut dormir. Mamoun s'était assis près de lui et causait sans défiance avec les gens de sa suite. « Est-il possible, demandait-il, qu'une force humaine puisse venir à bout d'une cité comme Tolède ?» À quoi l'un de ses conseillers répondit que la ville aurait toujours raison d'une attaque ouverte, mais qu'il y avait d'autres moyens de la réduire. Il suffisait de revenir pendant 7 ans de suite, ravager ses campagnes, détruire ses récoltes, en un mot, lui couper les vivres et l'affamer. Alphonse, qui ne dormait pas, recueillit soigneusement cet avis et se promit d'expérimenter la méthode. Tant que Mamoun vécut, il s'abstint de toute hostilité et l'aida même dans sa lutte contre l'émir de Séville. Mais il crut que la mort de son bienfaiteur le dégageait de tous les devoirs de la reconnaissance, et il accueillit favorablement les ouvertures que lui fit le ministre de Motamide, Ibn Amar. Une alliance offensive fut conclue contre l'émir de Tolède. Alphonse, bien que marié en légitime noces, épousa à titre de concubine Zaïda, fille de l'émir. La dot de la jeune princesse devait être prise sur l'ennemi commun. Il franchit la Sierra des Guadarrama et pénétra par le nord dans le bassin du Tage. Pendant 3 ans, il se borna à faire le désert autour de la ville, brûlant les blés, coupant les arbres, détruisant les villages, emmenant par troupeaux les laboureurs captifs. Les villes voisines, Madrid, Guadalajara, tombèrent entre ses mains. Tolède, affaibli, isolé, était une proie certaine offerte à la conquête. L'émir Yahya fit appel au souverain de Badajoz et de Saragosse. L'agresseur, une fois repoussé, reprit l'année suivante son œuvre de dévastation systématique. Puis, quand il crut le moment venu de frapper le dernier coup, il rassembla une armée nombreuse et vint bloquer la ville. Le siège dura 6 mois. Les habitants, souffrant de la famine, demandèrent à traiter. Yahya offrit à Alphonse de le reconnaître pour son suzerain. Le chrétien déclara qu'il voulait Tolède même. Quand cette exigence fut connue, les chefs musulmans se résolurent à mourir les armes à la main. Mais le peuple, les juifs et les mozarabes, les forcèrent à capituler. Yahya se retira à Valence. Alphonse accorda aux habitants les conditions les plus douces. Il leur garantit la vie et les biens, ainsi que le libre exercice de leur religion. Il s'engagea, par serment, à ne jamais souffrir que la principale mosquée pût jamais être convertie en église chrétienne. Il ne tint pas cette dernière promesse. Ce fut le 25 mai 1085 qu'Alphonse fit son entrée dans l'ancienne capitale des rois Goths. Cette conquête lui donnait un établissement solide au centre de la vallée du Tage et lui permettait d'en surveiller le cours. La grande ville, si bien défendue par la force de sa situation, allait devenir le boulevard de l'Espagne du Nord, en avant du formidable rempart du Guadarrama. Elle fermait les passes des montagnes, et derrière ce double retranchement, Castillans et Léonais pouvaient sans crainte reprendre sur les déserts les espaces désolés du bassin du Douro. Jusque-là, sous la menace des invasions, ils s'étaient contentés de chasser les musulmans et de détruire les villes. Ils vont maintenant travailler à les repeupler. La prise de Tolède marque le début de l'œuvre de colonisation du XIIe et du XIIIe siècle. Les Almoravides en Espagne, bataille de Zallaca. Cet échec frappa douloureusement le monde musulman. Les prophéties annonçaient la fin de l'islamisme andalou. Le négociateur de l'alliance sacrilège entre les Castillans et les Sévillans, Ibn Ammar, fut la victime dévouée aux rancunes religieuses, aux regrets patriotiques, à la douleur et à la crainte. Devenu odieux même à son souverain, il s'enfuit jusqu'à Saragosse, mais ses ennemis l'y poursuivirent. Il fut pris et amené à Séville, où Motamid lui coupa la tête de sa propre main. Ce drame annonçait à Alphonse une rupture prochaine. Loin de rien faire pour la prévenir, il ne mettait que plus d'ardeur à combattre les émirs de Saragosse et de Badaros, avec qui Motamid venait de se réconcilier. Il envoya une ambassade à son beau-père pour réclamer le tribut que celui-ci s'était engagé à lui payer. L'émir furieux fit ou laissa tuer le juif castillan, chargé de peser les dinars d'or. Alphonse protesta par une lettre menaçante. « Vous savez ce qui s'est passé dans la ville de Tolède, capitale de toute l'Espagne. Si vous et les vôtres avez échappé jusqu'à ce jour, votre temps aussi arrive. Il n'a été retardé que par ma volonté et mon bon plaisir. » Le musulman ne montra pas moins de hauteur et de violence dans sa réponse, où, suivant le monde arabe, la prose alternait avec les vers. « Si par malheur un jour je t'offris un tribut forcé, n'attends désormais de moi que rude guerre, cruelle bataille, sanglants assauts de jour et de nuit, sans relâche et sans fin, ravages, désolation à feu et à sang. Nous ne préparons pas d'autres présents pour ton pays au lieu d'or et d'argent. Arme-toi donc, prépare-toi à la bataille, car je t'appelle et te défie injurieusement. » Il fallait soutenir ces rodomontades par des actes. Motamid se chercha partout des alliés pour préparer la formation d'une sainte ligue. Il réunit dans sa capitale une assemblée de docteurs et de princes. Ce fut un véritable concile ou champ de mai musulman auquel assistèrent en personne la plupart des rois arabes de l'Andalousie. Cette assemblée fanatique fut d'avis d'appeler au secours de l'islamisme espagnol le conquérant du Maghreb, Youssouf l'Almoravide, dont la renommée avait franchi le détroit. Le gouverneur de Malaga, Abdallah ibn Yacoub, se prononça seul contre l'alliance africaine, qu'il déclarait dangereuse pour l'indépendance. On le traita de mauvais musulman, on l'excommunia, on le voua à la mort. 13 émirs signèrent la demande d'intervention. Youssouf exigea, comme prix de son concours, la cession préalable d'Algésira. Malgré les prières de son fils Rachid, Motamid livra cette porte de la péninsule à son redoutable auxiliaire. Les débuts des Almoravides ressemblent singulièrement à ceux de la plupart des empires musulmans. C'est une fondation d'État appuyée sur une réforme religieuse. Au retour d'un pèlerinage à la Mecque, le chef d'une de ces tribus berbères qui vaguent dans le Sahara, du côté de l'océan, avait ramené du pays de Sousse un docteur pieux et austère, Abdallah ibn Yassin, à qui il voulait confier l'éducation de son peuple. Quand le réformateur groupait autour de lui un millier de disciples, Rabatine, dévoué, d'où nous avons fait Almoravide, et qu'il les eut remplis du feu de son zèle, il les envoya répandre la bonne parole, le fer à la main. Ses lieutenants, de victoire en victoire, soumirent la plus grande partie de l'ancienne Mauritanie, le Sahara, le Sénégal et le nord du Soudan. Si Ibn Yassin avait été l'apôtre, Youssouf ibn Teshoufin fut le fondateur de la puissance des Almoravides. Il acheva la soumission du Maghreb et donna comme capitale à cet empire naissant la ville de Marak ou Maroc qu'il fonda au débouché de l'Atlas dans une plaine large et fertile. Le 30 juin 1086, Youssouf débarqua à Algésiras. Son armée offrait le plus bizarre assemblage de toutes les races et de tous les costumes. À côté des Africains, Arabes, Berbères, Nègres et nomades du Sahara, la bouche voilée comme les Touaregs, marchait un corps de mercenaires ou d'esclaves chrétiens bardés de fer. Il s'y trouvait même une troupe espagnole commandée par Garci Ordonez. Les chameaux, inconnus en Espagne, donnait une couleur exotique à cet ensemble pittoresque. Alphonse VI était devant Saragosse quand il apprit la nouvelle de l'invasion. Il leva aussitôt le siège et fit appel au concours des rois de Navarre et d'Aragon. Des renforts lui vinrent de l'autre côté des Pyrénées. La rencontre eut lieu à Zalac, près de Badajoz. L'armée chrétienne fut exterminée, 23 octobre 1086. Alphonse VI n'avait que 100 hommes autour de lui quand il entra dans Tolède. Mais Youssouf, rappelé en Afrique par la mort d'un de ses fils, ne put tirer parti de sa victoire. Ruine des dynasties arabes d'Andalousie. Son ambition agita bientôt des projets qui allaient donner aux vaincus le répit nécessaire. Proclamé après Zalac, émir des émirs andalous, il prenait son titre au sérieux, tandis que ses vassaux, délivrés de la crainte d'Alphonse, commençaient à trouver pesant le joug de ce dur Africain. Le contraste était grand entre les gueux du désert, revêtus de costumes sombres, et les molles populations du Guadalquivir, parées de brillantes étoffes, adonnées au plaisir et à la danse. Plus grand encore entre le chef des Almoravides, administrateur et guerrier, tout rempli de l'esprit du Coran et des princes du Sud, patrons des poètes, poètes eux-mêmes, délicats et sceptiques, chantant les femmes, chantant le vin en dépit du prophète, raffinés d'idées, de sentiments et de mœurs. La reconnaissance que leur avaient inspiré les services rendus fut de courte durée. Quand Youssouf revint à l'appel de Motamid pour assiéger la forteresse d'Aledo, la plupart d'entre eux s'abstinrent de paraître à son camp. Il fallut lever le siège. Motamid lui-même faisait à ses amis indiscrets des confidences compromettantes. « Sans doute cet homme, Youssouf, reste bien longtemps dans notre pays. Mais quand il m'ennuiera, je n'aurai qu'à remuer les doigts, et le lendemain, lui et ses soldats seront partis. » Youssouf, instruit de ses propos, n'en était que plus décidé à ruiner ses petites dynasties, aussi faibles qu'arrogants. Il avait dans l'Andalousie même un parti ardent, recruté parmi les imams et les gens du peuple, qui reprochaient à leur souverain, les uns les impôts arbitraires destinés à payer le luxe d'une cour, les autres leur indifférence religieuse et leur entourage d'esprit fort. Le clergé africain et andalou prononça la déchéance des émirs. Youssouf, qui avait prononcé l'arrêt, se chargea de l'exécuter. Grenade n'essaya pas de résister. Cordoue capitula. Séville ne tarda pas à succomber. Septembre 1091. L'émir d'Almeria, Motassim, assiégé dans sa capitale, mourut à temps pour éviter l'exil. Son fils s'enfuit en Afrique. Les poètes restèrent fidèles dans le malheur à ces illustres protecteurs qui les avaient nourris et honorés à l'heure des prospérités. Mais leur reconnaissance ne pouvait désarmer le destin. Ce fut bientôt le tour de Murcie. Yahya, qui régnait à Valence depuis la perte de Tolède, fut assassiné par les factieux qui venaient d'ouvrir les portes de la ville aux Almoravides. L'émir de Badajoz pose un meilleur sort. De tous les rois de l'Espagne arabe, il n'en resta qu'un debout, celui de Saragosse. Youssouf respecta en Mostain le défenseur de la frontière musulmane, l'adversaire né du roi d'Aragon et du comte de Catalogne, le bouclier de l'islam. Le Cid Campeador. Pendant cette conquête de l'Andalousie, Alphonse réparait le désastre d'Azalac. Moins de 5 ans après, il reprenait l'offensive et s'emparait aux embouchures même du Tage, de Santarém, de Lisbonne et de Sintra, conquêtes éphémères qui ne prouvaient que son courage et sa résolution. À l'autre extrémité de la péninsule, un aventurier se taillait une principauté en plein territoire musulman et fondait une réputation qui, grossie par la légende, a fait d'un chef de bande le héros par excellence de l'Espagne du Moyen-Âge. Sur le canevas d'une histoire dramatique mais brutale, la poésie a mis la broderie de toutes les perfections. Le condottiere, sans scrupules, est devenu entre les mains du peuple et des moines l'idéal du chevalier chrétien. Rodrigue Diaz de Bivar appartenait à l'une des plus illustres familles castillanes. Lors des luttes intestines qui suivirent la mort de Ferdinand Ier, il se signala par ses exploits, son dévouement à son parti, une habileté qui ne s'embarrassait pas du choix des moyens. Mais la bravoure effaçait tout. Un jour que l'armée navarraise et l'armée castillane se trouvaient en présence, Rodrigue sortit des rangs et défia au combat le plus brave des ennemis. Le champion qui s'avança contre lui paya son audace de la vie. Le vainqueur en garda le nom de Campeador, Desafiador, celui qui défie. Après la mort du roi Sanche, Rodrigue, suspect à son successeur, Alphonse VI, qu'il avait vaincu et humilié, ne fit pas difficulté d'aller louer ses services à l'émir de Saragosse. Il fit la guerre pour le compte de cet infidèle aux musulmans et aux chrétiens. Il pilla indifféremment les mosquées et les églises. Il réunit sous son drapeau des soldats des deux religions. Suivant l'expression du temps, il vivait à augure, soucieux avant tout d'assurer à ses mercenaires le paiement régulier de la solde. C'est sur ce vaillant capitaine que Mostaigne avait jeté les yeux pour lui conquérir Valence, où le roi Yahya, odieux à son peuple, ne s'était maintenu longtemps qu'avec l'appui d'une garnison castillane. Mostaigne voulait la ville, il abandonnait aussi de tout le butin. Mais ce partage ne contentait pas l'ambitieux condottiere qui ne songeait plus qu'à édifier sa propre puissance. Il s'imposa comme protecteur à Yahya et se fit payer tribut. Quand Ibn Jahaf, avec la complicité des Almoravides, eut fait massacrer l'émir, Rodrigue se présenta comme son vengeur et résolut de se rendre maître de Valence. La ville était si forte qu'il ne pouvait songer à l'emporter d'assaut. Il se contenta de la bloquer étroitement et laissa à la famine le soin de hâter le jour de la capitulation. Il ne se montrait pas tendre aux misérables qui, mourant de privation, se glissaient hors de la ville et cherchaient à gagner la campagne. Les plus exténués étaient égorgés sur place. Ceux qui présentaient encore quelques valeurs marchandes étaient vendus comme esclaves. Souvent même, la fureur du chef de guerre résistait à l'appât du gain. Il livrait les fugitifs aux dogues, il les jetait au feu. En un seul jour, il en fit brûler 18, pour l'exemple, en face des remparts. Les Valenciens, domptés par la faim, signèrent un traité qui leur garantissait la vie sauve et qui, moyennant le paiement de la dîme, leur laissait la libre administration de leur ville. 1094. Le vainqueur ne tint pas ses promesses. Il mit garnison dans la place, chassa tous les partisans d'Ibn Jahaf et fit jeter Ibn Jahaf lui-même dans une fosse ardente où il périt au milieu des plus atroces souffrances. Le Cid fut alors le véritable maître de Valence sous la souveraineté nominale d'Alphonse VI. Il travailla à arrondir la principauté que les armes et la ruse lui avaient conquise. Il prit Oloco, où il trouva les trésors de Yahya. Almarena et Murvidro, dont il chassa ou vendit les habitants. Le seigneur de Ségorbe, celui d'Albarracin, et même un prince chrétien, Béranger, comte de Barcelone, furent contraints de lui payer tribut. Là ne se bornait point son ambition, il agitait de gigantesques projets et voyait s'ouvrir devant lui une carrière de conquête. Un arabe l'entendit dire « Un Rodrigue a perdu cette péninsule, un autre Rodrigue la recouvrera. » Mais ses ressources n'étaient pas proportionnées à son courage. La tentative qu'il fit contre la forteresse de Xativa tourna fort mal. Ses troupes furent mises en déroute par les Almoravides. Bien peu de soldats se sauvèrent. Pour un chef de bande, dont l'armée était le gagne-pain, c'était une perte irréparable. Le Cid en mourut de douleur en 1099. Sa veuve, Chimène, défendit pendant 2 ans Valence contre les attaques des musulmans. Quand elle fut à bout de force, elle appela Alphonse VI à son secours. Il jugea cette place trop éloignée de ses états pour qu'il pût lui prêter un appui efficace. Sur son conseil, Chimène se décida à quitter la ville avec la colonie chrétienne. Elle emporta le corps du héros, qu'elle déposa dans le monastère de Saint-Pierre de Cardaigne, près de Burgos, et pour faire à Valence un adieu digne de la femme du Cid, elle y mit le feu et ne laissa aux Sarrasins que des ruines. 1102. Apogée et déclin de la puissance almoravide. Ce poste avancé de la chrétienté était perdu. Même les conquêtes dans le bassin du Tage étaient compromises. Youssouf venait de mourir à l'âge de 100 ans, 1106. Il eut pour successeur Ali, qui, en bon musulman, inaugura son règne par la guerre sainte. Son lieutenant, Temim, mit le siège devant Uclès et la prit. À ce moment parut l'armée castillane. Elle n'était pas commandée par Alphonse VI. Accablé par l'âge, il avait mis à la tête et confié à la garde de ses chevaliers son fils unique, Sanché, âgé de 11 ans. Les chrétiens étaient si supérieurs en nombre que Temim pensa d'abord à battre en retraite. On lui fit honte de reculer devant les vaincus de Zalaka. Les musulmans chargèrent avec une valeur désespérée et rompirent les masses ennemies. L'enfant montra une intrépidité au-dessus de son âge, mais il fallut fuir. Le cheval qui le portait s'abattit. Son tuteur, Don Garcia de Cabra, le couvrit de son bouclier jusqu'à ce qu'il tombât lui-même. 29 mai 1108. Alphonse VI, accablé, ne survécut que 18 mois à ce désastre. Temim mit à profit sa victoire. Il s'empara de Cuenca, de Huete, d'Ocana. Tolède se trouvait maintenant découverte. Ali, en personne, amena d'Afrique 100 000 hommes pour arracher aux Castillans cette ville superbe. La perle placée au milieu du collier, la tour la plus élevée de l'Empire dans cette péninsule. La place, bien défendue, repoussa toutes les attaques. Les Africains dévastèrent la vallée du Tage et recouvrèrent toutes les villes qu'ils y avaient perdues, Badaros, Santarém et Lisbonne. La puissance des Almoravides atteignit alors son apogée. Leur chef dominait du désert du Sahara à Saragosse, des embouchures du Tage à celle de l'Ebre. Mais cette grandeur touchait à son terme. Pendant que les forces de la Castille et de Léon étaient paralysées par les dissensions intestines et les embarras d'une minorité, un nouvel État embrassait la défense de la foi. Le véritable fondateur de la puissance aragonaise fut Alphonse Ier, surnommé le Batailleur. Plus heureux que ses prédécesseurs, il donna au royaume sa capitale naturelle, Saragosse, située dans une plaine fertile, au centre du bassin de l'Ebre, à la jonction des vallées du Galego et de Yalon, 1118. Au même moment, s'élevait en Afrique une secte, les Almohades, unitaires, qui devaient, après 30 ans de lutte atroce, enlever l'Empire aux Almoravides. Obligés de défendre le Maghreb, Ali et ses successeurs ne pouvaient tenter en Espagne que des efforts isolés. Si les puissances chrétiennes eussent agi de concert, c'en était fait même de leur domination dans la péninsule. Ils ne pouvaient compter sur l'affection de leurs sujets andalous. Les garnisons africaines qui occupaient les villes musulmanes s'y conduisaient comme en pays conquis, insultaient les habitants et ne respectaient pas même l'asile sacré du harem. Poussés à bout par les excès de cette soldatesque, les Cordovans se soulevèrent et massacrèrent leurs tyrans. Les griefs qui les avaient armés devaient être bien sérieux pour qu'Ali leur ait pardonné cette révolte. Si les Almoravides traitaient ainsi leurs coreligionnaires, quel ménagement pouvaient-ils garder envers les chrétiens andalous, les Mozarabes? Avec les petites dynasties avait disparu l'esprit de scepticisme et de tolérance. Maintenant, les théologiens étaient comme les soldats, tout-puissants. Les vexations qu'ils se permirent devinrent si intolérables que les Mozarabes appelèrent à leur secours le roi d'Aragon, dont la renommée guerrière remplissait toute l'Espagne. Parti de Saragosse avec 4 000 chevaliers, septembre 1125, Alphonse s'avança jusqu'aux environs de Guadix, faisant partout des razzias et tentant des coups de main sur les villes. Partout, les chrétiens accouraient pour s'enrôler sous ses drapeaux, pour lui servir d'espion et de guide. Son armée montait à 50 000 hommes quand il arriva devant Grenade. Après quelques escarmouches, le roi, désespérant de prendre la ville, décampa et se dirigea vers le Guadalquivir. Les troupes musulmanes qui le suivaient à la piste l'attaquèrent à Arnisol, en Zoul, près de Lucena, mais elles furent battues et se dispersèrent. Le vainqueur rebroussa chemin vers le sud et traversa les défilés des Alpuraras, Au nord de Motril, la route passe dans une gorge étroite, dominée par les hauteurs abruptes. « Quel tombeau, dit Alphonse, si quelqu'un jetait du sable sur nous. » À Vélez-Malaga, il touchait enfin au rivage de la Méditerranée. Il voyait de ses yeux cette mer d'Afrique, dont les flots avaient porté les premiers envahisseurs de l'Espagne, où voguaient encore les convois chargés de renforts musulmans. Pour bien attester son passage et comme la prise de possession, il se fit construire une barque et voulut manger du poisson pêché dans ses eaux ennemies. Puis, laissant au gré de son caprice dévier la marche de l'expédition, il revint vers Grenade et s'établit dans la Vega. Il se tenait toujours prêt à combattre et manœuvrait avec tant de prudence qu'il était impossible de le surprendre. C'est après un long séjour dans la plaine enchanteresse du Xénil qu'il se décida seulement à reprendre le chemin de l'Aragon. Toujours suivi et attaqué, il fit dans sa retraite des pertes terribles et souffrit cruellement de la famine. La peste se mit dans son armée. Presque tous ses compagnons périrent. Mais il put se vanter d'avoir mis les infidèles en déroute, d'avoir parcouru leur pays d'un bout à l'autre et d'avoir fait beaucoup de prisonniers et de butins. Fin de la section 61.